L'Orsco pour les intimes. Il est l'homme de l'ombre, mais tellement visible à la belle époque du tag sur Paris. Ce tag si bien travaillé qu'il lâche partout sur nos trajets du quotidien. Première partie de cette discussion sur ses débuts en banlieue ouest. Salut Seb, premier petit test. Bon là, bah écoute, déjà je suis content de te voir, ça fait quand même une paye, mec. Ouais. Et voilà, bah écoute, tu vois, comme quoi on s'est bougé, on arrive à se voir aujourd'hui. L'idée ce serait qu'on puisse en effet connaître un peu ce qui s'est passé dans ton tracé dans le graffiti, et pour commencer, je pense que c'est pas plus mal de pouvoir donner des éléments un peu sur tes débuts. Hein, tes débuts, voilà, d'où t'étais, etc. Et puis ce qui te vient à l'esprit justement sur ces débuts, on est à l'écoute et puis je pense qu'on va savourer ça à tes côtés. Alors bonjour, moi je m'appelle Sébastien, mon nom de tag c'est Colors avec un Z. J'ai commencé à faire du graffiti fin 86-7. 86, début 87. Je viens de Sartrouville. Je me suis pris de passion à écrire dans ma ville et sur les routes chemin de fer. Sartrouville, c'est comment à l'époque? C'est une ville. C'est une ville un peu zone pavillonnaire et HLM. Ouais, c'est ça. Dans les avec beaucoup de bars quand même, il y a beaucoup de... Ah ouais, c'est urbain, quoi. Le plateau est vachement c'est urbain. Ça. Du plateau jusqu'au Quai de Seine, c'est assez dense. Après, je sais pas, t'es au Bahut, t'es quoi? Alors moi, j'étais au Bahut, au Collège Colette. Enfin, t'es au Bahut là-bas, comme un peu nous. Nous, au départ, on y était. Mais au final, tu prends un peu de passion. Comment tu découvres ce truc-là, justement? Ça devient comment, toi de... Moi, je partais... Je partais au cinéma du Rex avec ma maman, qui m'emmenait au cinéma là-bas, voir à l'époque des films au Rex. Ouais. Et quand j'allais sur Paris, j'ai commencé à voir sur les lignes de chemin de fer des tags, des écritures qui m'ont interpellé. Ah ouais. Et je trouvais ça... ça m'intriguait. Ouais. Du coup, j'ai commencé à griffonner. Mais j'ai toujours... je sais plus si c'est après Bécon et Brouillard, mais il y avait un... Et grâce à bandeau en chrome, ouais. Alors je sais plus si c'était Spank, bandeau, moto. Ah, il y a eu une traversée terrible. Il y a eu une folie. Ouais. Je sais plus si c'est... Je pense que c'était avant la piscine extérieure. Ah, t'as connu la piscine extérieure de Courbevoie presque, c'est ça? Bah oui. Tu l'as connue, ouais. Ah, c'est bien incroyable. Il n'y a pas beaucoup qui la retiennent, celle-là. Je crois que c'était bien avant. Ouais. Et il y avait une super bande qui avait été faite à cette époque-là. Et ça m'a mis une flat, quoi. Ouais. Et j'ai commencé, j'ai eu plein de premiers tags. Et je crois que le tout premier, ça devait être Dirt Tool. Ah ouais. Ensuite, j'ai eu Isaac. Ensuite Benz, et puis disons qu'à un moment, j'ai fait color ça avec un Z. Ouais, c'est tombé direct. Voilà. Vraiment quelqu'un avec un S, du coup, j'ai cloté... La fameuse phase du Z ou du S. Voilà. Ouais. Puis là, j'ai commencé à mettre partout. Ouais. Et à me balader un petit peu avec le réseau urbain un peu partout pour pouvoir en mettre. Et là, j'ai commencé à voir des gens qui étaient un peu un peu New York, quoi, à l'époque, avec des starters et choses comme ça. Et avec un jour, j'étais parti avec un pote de l'époque qui taguait Chest. Arrivé à Marly-le-Roi et j'ai vu un grand mec, plus d'1 m 80, avec un starter. Et bon, on s'est regardé, on a commencé à se parler et il m'a dit qu'il taguait. J'ai rencontré à David Ewan cette époque-là, et de cette rencontre, ça m'a fait connaître des graffeurs comme Dogs, Neok, Exact. y avait un gros coup à l'époque, les TLP, j'ai pas mal d'années ensemble, hein, quand même. Ouais. Et puis, moi, j'étais un petit peu. J'arrivais pas à tenir en place, donc. Fallait toujours que je sois en mouvement et que. Ça t'a permis, ça te faisait du bien, quoi. Ouais. Ça t'a bien défoulé, c'était un exutoire, t'arrivais à te lâcher là-dessus, et puis voilà. Parce que, ça retrouve. C'était quand même assez dur. C'était pas dur, mais ça tournait un peu en rond, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. T'avais des mecs aussi là-bas un peu, donc il y avait Chest, Il y avait ok? Chest, Stack, Olivier Costa, Tietken, plus d'autres, mais qui n'ont pas Ouais. persévéré comme Il y avait tout. des mecs qui regardaient quand même, qui étaient intéressés, Ouais, qui... enfin à l'époque, on avait un crew et il y avait les danseurs, les Ouais. rappeurs et les graffeurs, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, on était vachement au début une période de hip-hop qui était très nouvelle. C'était Ouais, nouveau c'est ça. pour la France. Tout le monde écoutait du funk et le rap est arrivé un peu comme une étoile filante, plus une météorite. Au début, on était montré du doigt parce qu'on avait des looks Ah ouais, c'est clair. très Bon. américains. Essayer de sortir du lot de tobacco, survêt. Ouais, c'était. Les fringues, c'était important pour toi, tu quand... Ça a toujours été important parce que j'avais pas les moyens, disons, de m'acheter des masques. Très longtemps, je me suis habillé au marché et puis j'ai eu un peu de maturité et que j'ai pu acheter par moi-même des vêtements. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très piqué américain, quoi. J'aimais bien cette culture et puis. Et même si j'en suis revenu, y avait un côté nouveau, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, on se reconnaissait vraiment par rapport à un certain look vestimentaire. Ouais, c'est ça, il y avait déjà des codes installés. Ouais, Chacun avait son style, mais il y avait. Ouais, On rappelle, t'aimais bien les Burbs, hein, toi. Mais bien les petites écharpes aussi, hein. Bah oui. La chemise, Exact, ça fait du ça bien au tient cou. chaud. Ça tient chaud, ouais. Et j'aimais bien être, même si j'ai tout taché à la fin, hein. Des petits accidents d'encre sur les chaussures. Ouais, c'est ça. Donc, Non, non, mais écoute, c'est top. En tout cas, là, on situe bien l'idée, l'installation que tu avais sur le 7-8. Tu as commencé à faire des rencontres. Ok, c'est vrai que l'arrivée sur Marly, nous, ça a été un boost aussi de te rencontrer avec David et puis d'autres, en effet, avec Kevin, parce tout qu'on ça. on suivait un peu sur la ligne et C'est ça. moi je sais que j'étais plus vandale que graff. Ouais. J'étais Je me rappelle que je tapais régulièrement les têtes de train en hauteur, ce qui restait à l'époque. Et quand j'arrivais à la gare Saint-Lazare, c'était un peu comme un logo. Ah ouais, la pose de l'empreinte, ouais. Elle était là quand même, hein, c'est sûr. Et... pas calculé qu'il y avait des tags beaucoup plus hauts que ce qu'ils voyaient en bas quand ils voyaient, quoi. Et alors, juste un truc technique pour nos amis de la nouvelle, la nouvelle génération, si on peut en parler comme ça, mais toi, tu utilisais quoi en termes de marqueurs, tout ça? C'était quoi ton truc? Moi, j'avais une prédilection au Artlang 2 cm, parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'utilisais mon marqueur à l'envers, ce qui nous donnait un biseau qui était vraiment différent par rapport à tout. Ceux qui taillaient c'est ça, ouais. Horizontalement avec leur marqueur, quoi. Moi, je l'ai pris de 3/4. Donc, j'avais un biseau beaucoup plus large et j'ai vraiment persévéré pour trouver aussi bien un enchaînement que une façon à me décaler de tout ce qui se faisait, quoi. Exact. Et toi, tu t'entraînais beaucoup avant de taguer quand même. Tu faisais quoi? Beaucoup de feuilles? Non, tu t'entraînais un peu à la baraque ou c'était non, pas du tout. C'est au fur et à mesure la pratique. Ce que tu fais sur feuille, c'est pas vraiment à refaire. Non, moi je m'entraînais vraiment sur les murs. Ouais, ouais. C'est pas des millions de. Bon. Le tag sur les feuilles systématiquement. J'étais plus à l'instant, sur le moment. Bon, moi, je l'ai toujours fait au film. Ouais. Et non, mais pas dans ma chambre. Des heures c'est ça. De tag. Si, j'en faisais, mais pas pour en devenir. Tu préférais la pratique, quoi. Ouais, je préférais quand la tu, pratique. Quand tu décidais d'aller taguer comme ça, ouais, quand tu étais en wagon même, tu voulais poser, tu étais dans quel état d'esprit en fait? J'étais un peu écorché quand même. Parce que. Je pense que j'avais envie d'exister différemment de ce que me proposait l'école ou ma banlieue. Et ce contexte géographique. Et je me suis aperçu que si je restais dans ma banlieue, j'allais pas avoir quelque chose de nouveau, et mes potes fait sortir, même si j'ai fait des bêtises, je me voyais pas à long terme gravir les échelons. En tout cas, tu étais féru de découverte. Tu sentais que ça se passait un peu au-delà, quoi. Ah, le truc, c'est que moi, jusqu'à 9 ans, je n'ai pas eu le droit de sortir. Les parents séparés, mon père avait interdit à ma mère que je puisse sortir. Donc, j'étais enfant unique et je n'ai pas eu le droit, jusqu'à 9 ans, de sortir dans la rue. Donc, dès que j'ai eu ces premiers espaces de liberté, je partais à 8h du matin et je rentrais ouais, d'un autre côté, on n'avait pas les téléphones portables à l'époque déjà, non. Donc c'est vrai que l'observation que tu décrivais sur tes premiers parcours, ça t'a ouvert un peu les yeux, et puis après il y a eu sans doute des rencontres, même en fait t'as dû rencontrer des mecs sur ton temps de parcours quand tu bougeais, non? Tu rencontrais des mecs de temps en temps ou... ouais, énormément de personnes en... Du Alors, coup, non. Je te relance, ouais, juste sur les rencontres, parce que c'est vrai que c'était un peu un moyen pour nous de rencontrer des gens. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler d'un gars qui a quand même tourbillonné un peu avec nous, avec Avoc, quand même? Ouais. Si tu as des souvenirs là-dessus. Bah, Avoc, le gars taillé au fat cap et au baran, dans un style très très simple, avec son pote 8, je crois. Avec Click, avec 8, et je voyais leur tag sur le A. Et moi, j'avais fait un petit terrain derrière Montesson. Il y avait une vieille usine, je sais plus si c'était Thompson ou quoi, où je faisais mes premiers graves sur les quais de Seine. Et un jour, j'ai vu des tags Avoc et je voyais qu'ils passaient souvent. Et j'étais venu avec David faire mon premier, David et Juan, faire mon premier graph en couleur sur ce terrain. Et du coup, j'avais laissé un message à Avoc pour lui donner rendez-vous. Qu'on n'avait pas de portable et j'avais pas laissé le numéro de mes parents sur le mur. Donc on se donnait rendez-vous et deux, trois rendez-vous parce qu'ils ne savaient pas si c'était un traquenard. Ouais. Ou c'était un peu virulent à l'époque. Le monde du graffiti, c'est pas un monde de bisounours. Ou du testing, et puis... Ouais, c'est un peu la loterie, quand même. Si tu vois que... tu tiens tête, on va te respecter, mais sinon, on va te prendre tes gombes et on va te balayer, et voilà. Hein. Mais on s'était donné rendez-vous sur un mur, et un mercredi, on s'est rencontrés pour la première fois, et on s'est revus, et avec toi ou David, on a commencé à faire quelques sorties ensemble, quoi. Et c'était le premier qui avait une voiture, le permis, et on a pu aller... je crois qu'on avait fait du RERC. Ouais, ouais. RER A, on était allé loin, je crois, aussi, une fois avec lui. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a découvert le Fat Cap avec lui... Et puis une combinaison sur une Belton, un truc avec des caps qui sortaient de je sais pas où, on a découvert ça. C'était le décap four, hein. Ouais. C'était une décap four qui fonctionnait pas sur les Altona, ouais. Les Sparvar, ouais. Et qui fonctionnait très bien sur les DeWitt, Marou et Belton. Et ça envoyait. Belton, c'est une marque d'Otoka. C'est vrai qu'à l'époque, les fat caps, c'était... On pouvait avoir le fat cap, mais selon la bombe où tu le plaçais... C'est ça, c'était pas le même pas rendu. Pas du tout le même rendu. Les plus gros caps, c'est à l'Otoka ou à la Marabout. Hein, avec les caps un peu trafiqués, dans l'acétone trempé assez longtemps, hein, ce qui dilatait un peu qui bouffait un peu le plastique... Ah, les stinkers, mais les plus gros. Ouais, je les ai fait à l'Otoka et Marabout. Ouais. C'était un peu magique à l'époque. Parce que il n'y avait pas de gros fat cap. Hein. Gros fat cap, on en faisait un peu avec la Krylon, avec le fat quinri, mais. Les cap four. En tout cas, ouais, ça donnait une bonne sensation. Ouais. Ouais, on aimait bien, quoi. Ouais, il y avait un peu de recul. Mais bon, sacré personnage, l'ami Avoc, hein. C'est vrai que c'était quand même... Ouais, sur le rail, il a bien marbré à une certaine époque. Que ce soit à l'encre ou... C'est ça. Et je pense qu'il devait faire les entrepôts du côté de rail, là. C'était Hervé. Ouais, c'est ça. Hein? Exactement. Il était sur la ligne, pas très loin. Non, c'était une bonne... On se retrouvait souvent quand même, ouais, parce que voilà. Même on a fait des petites soirées sympas avec lui. Ouais. Je crois vers le Vésinet, c'était plutôt bien. On a On a bien aimé, quoi. C'est sympa. On a bien cuit, bien dansé. C'est ça. Bien fêté ça. Et ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin que de ce qu'on connaissait au niveau géographique. Au départ, Paname me faisait un peu flipper ma pseudo-carrière, j'ai plus éclaté la banlieue avant d'arriver à Paris et Paris, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, il y avait quand même de la visibilité, quoi. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que finalement... J'ai tagué un peu stratégiquement, éphémère, mais j'ai essayé que mes signatures restent au plus longtemps que ça va être effacé sur le moment, quoi.